Le Bocon, la chronique beauté de Radio Boncon. En confinement, retrouvons ensemble le temps de prendre soin de nous. La chronique beauté de Radio Boncon. Finalement, est-ce qu'on va pas tous passer le reste de notre vie avec nous-mêmes ? Allez hop, ça dégage. Bonjour, c'est Louison, bienvenue dans cette chronique beauté un peu spéciale, puisque c'est la Jean-Guille, la Jean-Jean, la Guigui, la Jean-Guille. En effet, en ce 14 novembre 2020, nous fêtons ensemble la première Jean-Guille radiophoniquement retransmise, en compagnie de vos boncons préférés bien sûr. Bon alors Keto, quid du dress code quand on a les bras beaucoup trop courts? Et qu'est-ce qui fait d'un Jean, un Guille, d'un Jean-Jean, un Guigui-Guille? Vaste sujet, me direz-vous, et je vous répondrai oui. Difficile de festoyer quand on est confiné, d'échanger son pyjama hyper confortable contre un costume digne de cette traditionnelle fête nationale qui, je vous le rappelle, est la Jean-Guille, la Jean-Jean, la Guigui, la Jean-Guille. Alors ce que je vous propose tout simplement, c'est d'attraper à peu près tout ce qui vous tombe sous la main et qui vous évoque la joie d'une bonne grosse tartine de beurre grillé. Alors qui, ici, un legging immonde à l'effigie d'un ami, une petite jupe à paillettes beaucoup trop moulante, un vieux clutch malodorant qui dort dans le placard depuis bientôt presque un an, une perruque fluo, tout emmêlé, mais qui met votre petit teint d'automne dégueulasse en valeur. Bon alors, maintenant que vous êtes sapé comme une merde et que vous ressemblez à votre grande-tante Stacy, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au maquillage. Et alors là, je vous le dis les gars, ça va tartiner sec. On veut que ça claque, on veut que ça brille. Alors on y va sur les paillettes, le rouge à lèvres et la règle des trois. Qui est annulée, bien sûr. Parce que la Jean-Guille, on aime bien quand c'est coloré, quoi. Puis Jean-Guille, d'ailleurs, il a une dispense du médecin. Bon, bah voilà, je me casse. Parce que j'ai autre chose à foutre que de vous donner des conseils sur les costumes, alors que vous savez très bien faire sans moi. Puis ça se trouve, il est bientôt 15h30, là, non ? Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, cette chronique était sponsorisée par toutes les années meilleures que 2020. Genre 2018, 2017. Voilà. C'était le Bocon pour la radio des Boncons. La chronique beauté avec Louison. Ça fait beaucoup de honte, ça, quand même. Radio Boncon adore cette musique et vous propose de l'écouter encore 5 minutes.